m'appelle Margot, et si t'es nouveau ici et que t'entends ma voix pour la première fois, il y a 6 mois, j'ai décidé de donner la parole aux ados. J'avais envie de leur donner de la légitimité et de créer une safe place où ils pourraient s'exprimer, s'aider et s'inspirer les uns les autres. Depuis, toutes les deux semaines, je reçois des ados qui viennent me parler d'un sujet qui leur tient à cœur. Il y a des rencontres coup de cœur dans une vie, vous savez, celle avec des gens que vous croisez une fois mais vous y pensez tout le temps. Moi, ça m'arrive toutes les deux semaines. Les ados que je rencontre changent ma vision des choses à un point que vous n'imaginez même pas, et ils sont tous plus ouf les uns que les autres. Et aujourd'hui, je rencontre deux meufs vraiment ouf. Elles sont incroyablement fortes, intelligentes, belles, drôles, courageuses, et c'est vraiment de réelles battantes. Il y a peu de temps, Louise et Manon ont traversé une maladie très rude qu'on appelle l'anorexie, et elles ont voulu participer pour vous partager leur histoire. Allez, écoute, et prends-en de la graine. Bah bonjour Manon et Louise. Salut. Vous pouvez vous présenter toutes les deux tour à tour. Alors moi je m'appelle Louise, j'ai 17 ans et je viens de Cherbourg en Normandie, voilà. Alors moi je m'appelle Manon, j'ai 17 ans aussi et je viens de Angers en Maine-et-Loire. Vous m'avez envoyé un mail pour participer au podcast pour parler d'un sujet qui est assez délicat, mais qui, je pense, peut aider pas mal de gens qui peuvent nous écouter. C'est l'anorexie. Mmh. Déjà, pourquoi vous avez eu envie de participer ? Moi, j'ai longtemps écouté des podcasts, enfin très souvent, et quand j'ai découvert le podcast de Margot, je me suis dit « Enfin, enfin, un podcast qui donne la voix aux futurs citoyens du monde !» Ça me manquait, parce que surtout j'écoutais beaucoup d'interviews de personnes connues. Du coup, bah, ça me montrait que j'avais aucune chance d'un jour pouvoir m'exprimer. Et j'ai trouvé que c'était une formidable idée, donc j'avais envie de tenter ma chance et de prendre la parole. Et moi, du coup, j'ai voulu participer parce que, bah, déjà, les troubles alimentaires, le pourcentage de jeunes filles qui sont touchées est quand même assez incroyable. Et je pense que c'est vraiment important de parler de ce sujet-là, parce que déjà, c'est tabou. Et notre parole peut aider des jeunes filles à changer d'état d'esprit et à voir les choses autrement, bah, c'est juste l'objectif. Voilà. Est-ce que vous voulez nous raconter un peu votre histoire en quelques mots ? Bah, moi, ça fait 2 ans que du coup, j'ai commencé à un peu sombrer dans une spirale infernale. J'avais un copain à cette époque et il faisait beaucoup de sport et je trouvais ça bien qu'on ait quelque chose en commun, une passion commune. Du coup j'ai commencé à faire beaucoup de sport aussi pour passer du temps avec lui et pour pas être un boulet pour lui, pour qu'il soit fier de moi. Et en parallèle, j'ai commencé à surveiller mon alimentation et j'ai pas perdu très très vite, ça, en fait. J'ai mis 10 mois à perdre 10 kilos. Enfin, c'est pas énorme par rapport à des personnes que j'ai rencontrées dans le même cas que moi. Mais j'avais pas besoin de perdre de poids. Du coup, bah, ça a fait que j'étais en danger de mort. Et comme j'étais rentrée dans une dynamique assez néfaste et que j'arrivais pas à me... Personne n'arrivait à me raisonner, bah du coup ça allait de plus en plus loin et j'ai fini par me faire hospitaliser parce que... j'ai jamais perdu la faim par contre, j'ai toujours eu très faim mais je contrôlais mon alimentation, je me privais des choses que j'aimais parce qu'avant j'étais une grosse gourmande. Du coup, les deux semaines avant mon hospitalisation, je mangeais plus du tout de féculents, je mangeais que des fruits et des légumes. Mais je mangeais en grosse quantité, mais comme c'est pas les choses bonnes pour nous, bah ça pèse que dalle dans l'estomac et du coup ça faisait perdre très très vite. Mais j'ai pas une histoire traditionnelle, on va dire, parce que souvent les gens quand ils disent ils entendent anorexique, ils voient des gens qui se privent de nourriture tout court, alors que moi je mangeais en grosse quantité, mais pas ce qu'il faut et pas ce qui est bon pour notre corps et pour notre développement. Il y a aussi beaucoup de clichés autour de l'anorexie. Les gens pensent que être anorexique, c'est complètement arrêter. Mais en fait, être anorexique, c'est voilà, manger que des légumes, enfin, les trucs qui, franchement, nourrissent pas. Enfin, ouais. Du coup, quand j'étais en quatrième, j'avais, je sais pas quel âge on a en quatrième, on a 14 ans, ouais. 13 ans, 14 13, ans, ouais. J'étais pas en surpoids, hein, j'étais normale, mais j'ai mon corps qui a changé, j'ai eu des formes, etc. Et voilà, j'étais très mal dans ma peau, comme beaucoup d'adolescentes malheureusement. Donc j'ai très vite cherché du coup des méthodes pour perdre du poids, avoir un corps de rêve, etc. Au début, clairement, ça n'a pas marché. Hein. J'étais un petit peu désespérée. Et au bout d'un moment, j'ai fait des petites recherches sur la nutrition, sur le sport, etc. J'ai commencé à voilà, rentrer comme toi dans une dynamique un peu de sport, d'alimentation un peu plus saine, machin. Et j'ai perdu du poids. Là, ça marchait bien. Mais voilà, j'ai arrêté comme toi les féculents, mais sur une période assez longue, hein, d'une année, donc voilà, avoir froid tout le temps, être tout le temps fatiguée, pas d'énergie, mais le poids qui continue à descendre, et c'est vrai que du coup, je me sentais de mieux en mieux dans mon corps, puisque bah, je perdais le gras que j'avais, hein, le gras qui est quand même vital, mais bon, voilà. Donc c'est vrai que c'était une période où voilà, j'étais très mal, parce que forcément, pas d'énergie, envie de rien. Et ça a été de pire en pire quand je suis rentrée au lycée, en fait. J'ai eu un suivi psychologique, mais j'estime que voilà, mon année de seconde, ça a été une des pires années où vraiment ça a été compliqué. Enfin, j'ai fait du chemin, mais c'était quand même compliqué comme année. Et on va dire que j'ai eu la chance, là, pendant mon année de première, de vraiment revivre et de réaliser, en fait, ce que c'est d'être anorexique et ce que c'est surtout de retrouver la santé autant physique que mentale. Voilà. Quand vous m'avez envoyé un mail, je ne sais plus exactement laquelle m'a dit ça, il y en a une qui m'a dit que l'anorexie, bah, y a deux formes d'anorexie. Il y a soit on arrête de manger, soit on mange et on se fait vomir ensuite. Oui. Vous, c'était quel... Donc vous continuez toutes les deux à manger ou... Oui. Oui. Bah, moi, j'ai jamais réussi à me faire vomir, par exemple, parce que j'arrivais pas. Et en voyant en arrière, bah, je me dis que c'était très bien, parce que sinon j'aurais pu très mal finir. Pareil, j'étais comme toi, genre... ça a été en même moment que toi, en fait, ça a été en seconde. C'était vraiment la pire année. En décembre, j'ai été hospitalisée, mais tout le début de l'année de seconde, bah, c'était. Voilà. Je pleurais dans ma chambre, je pleurais devant la bouffe parce que ma mère essayait de me raisonner. On se disputait tout le temps à la maison parce que je voulais pas manger de protéines ou de féculents ou de chocolat. Enfin, c'était une année horrible. Mais j'ai jamais arrêté de manger, j'essayais juste de manger le moins calorique possible. C'est ça, en fait, le problème quand on est anorexique, c'est qu'on a une fixette sur les calories et qu'on n'arrive pas à faire la différence entre les bonnes calories et les calories qui sont bonnes aussi, parce que dans les légumes par exemple, mais qui ne t'apportent rien, en fait, qui t'apportent que de l'eau, en fait, c'est que de l'eau. Et bah, du coup, ça va très vite la perte de poids. Et non, moi je me suis jamais fait vomir parce que, en fait, depuis que je suis toute petite, je suis hémétophobe, c'est-à-dire que j'ai très peur de vomir. Tout ce qui tourne autour du vomi, ça me fait peur, ouais. Vraiment. Les périodes d'épidémie, de gastro et tout, c'est l'enfer. Je déteste ça. Donc vraiment, me faire vomir, c'était pas possible. Enfin, puis même, non, clairement non. Mais ouais, c'est comme toi, hein, le moins de calories possible. Et puis c'est vraiment, avec du recul, vraiment, l'anorexie, c'est, on est auto-centré, en fait. On pense qu'à compter les calories, les repas, quand est-ce qu'on va pouvoir manger telle chose. Exactement. Est-ce que tout calculé, genre, à midi, j'ai un repas au restaurant, alors le matin, il va falloir que je mange ça, il va falloir que je réduise ça, il va falloir que je mette tel nombre de grammes de trucs, enfin, c'est l'enfer, vraiment. Et avec du recul, on se rend compte que vraiment, voilà, être anorexique, c'est être vraiment auto-centré, quoi. C'est, esclave. Voilà, on pense qu'on est enfermé dans son truc. C'est vraiment un engrenage qui est assez flippant, vraiment, avec du recul. Et ouais. Toutes les deux, c'est apparu à peu près à la même période, du coup, vers la seconde. Comment vous pouvez expliquer ça ? Est-ce que c'est ça va avec la puberté, ça va avec la prise de conscience de son corps, ça va avec... Est-ce que vous y pensiez pas du tout avant, ou comment ça s'est passé ? Avant, j'étais une gourmande... Non, mais... Ouais, moi aussi, clairement, ouais. Je pouvais pas... C'est quand il y avait un gâteau sur la table, fallait me retenir, quoi. J'étais une malade de gâteaux, je faisais tout le temps de la cuisine, je voulais être pâtissière à un moment. Non, mais c'est juste que, voilà, à un moment... en fait, c'est ma deuxième année en France, là, aussi. Je pense qu'il y a le problème de revenir en France et d'essayer de s'intégrer aussi, qui a un peu enclenché... accéléré, parce qu'avant j'étais expatriée et j'ai pas réussi à trouver ma place, donc me marginaliser avec la nourriture, c'était peut-être un moyen aussi d'illustrer le fait que je sois marginale tout court, en fait, parce que les enfants d'expatriés, bah voilà, ils ont des expériences que les autres non pas, et parfois ça peut être source de discrimination, les autres pensent qu'on se sent supérieur, alors que nous on essaie juste de s'intégrer, et par exemple à l'hôpital j'ai essayé de m'intégrer très vite, parce que je me suis vite rendu compte que sinon ça allait pas être vivable, et une fille m'a dit plus tard, moi quand je t'ai rencontrée la première fois je t'ai détestée, parce que t'étais la fille qui avait tout vu, qui avait tout expérimenté. Alors que j'avais pas essayé de vendre le truc ni rien, j'avais juste raconté ce que j'avais fait. Et donc voilà, ça a joué aussi. Mais oui, je pense aussi qu'il y a une prise de conscience de son corps. Et comme on s'intéresse un peu plus à la féminité, aux magazines, tout ça, bah, qui nous vantent les mérites de leur régime incroyable, bah... Voilà, il y a une prise de conscience globale, je pense. Bah, clairement, s'il y a un pourcentage de jeunes filles touchées par l'anorexie qui est énorme, pour moi, c'est pas le hasard. Hein. Pour moi, c'est une des nombreuses conséquences de notre société patriarcale, hein, on peut le dire. N'hésitons pas à le dire. Voilà, on va le dire, hein, on va dire les choses, hein, c'est important. Parce que, enfin, clairement, le nombre de diktats que subissent les femmes, c'est assez incroyable. Moi, ça me met hors de moi. En fait, quand j'ai pris conscience de tout ça au fur et à mesure, mais j'ai été hors de moi. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que, en fait, tous les diktats donc, qui sont imposés aux femmes, ça crée vraiment du mal-être. On se dévalorise, etc. Ce qui mène les jeunes filles à, du coup... Bah avoir l'impression qu'elles sont grosses, qu'elles sont moches, qu'il faut qu'elles changent en fait pour s'adapter au code. Et c'est clairement ce qui mène des jeunes filles à tomber dans l'anorexie. Pour moi, c'est pas une question de magazine, de truc, de vouloir ressembler aux mannequins ou quoi. Pour moi, c'est vraiment le fait de prendre conscience de son corps et de se trouver pas assez bien et de vouloir correspondre et être un peu... c'est un peu le syndrome de la bonne élève où en fait... On se dit, ah bah non, là je corresponds pas à cet idéal de beauté. J'ai envie d'être mieux considérée, d'être admirée. Il y a les codes, c'est ça, et bah je vais tout faire pour y correspondre, quoi. Et c'est comme ça qu'on tombe dans l'anorexie, c'est vraiment en se dévalorisant soi-même. Ouais, vraiment, après, c'est ça. Les codes, ils sont aussi fixés par les magazines, je pense. Oui, ça contribue, je pense, ouais. Louise, tu me disais dans ton mail que toi, ce qui a énormément joué, c'est. Bah, les réseaux sociaux, les influenceuses et tout ça, vous voulez un peu dérouler ouais. Là-dessus. Bah, même déjà avant de parler des réseaux sociaux, moi j'ai lu en particulier un livre mais qui m'a vraiment aidé à avancer mais considérablement, c'est Beauté Fatale de Mona Chollet, qui vraiment analyse en long en large les diktats de beauté et leurs conséquences. Donc elle parle aussi bien des troubles alimentaires que par exemple la chirurgie esthétique, etc. C'est vraiment super intéressant et vraiment ce livre moi m'a aidé à prendre conscience que voilà, j'étais tombée les deux pieds mais en plein dans le piège, ouais. Et je me suis dit, hors de question, moi je vais plus participer à ça, c'est hors de question, je mérite pas ça, quoi, vraiment. Mais même 17 ans, c'est jeune pour s'en rendre compte que, enfin, tout ce que la société nous impose sur nos corps de femmes, quoi. Et ouais, je pense que c'est difficile, en fait, parce que vous aviez quel âge, du coup, c'était il y a J'étais en troisième, donc j'avais 16 ans. Ouais, ça a commencé, ouais. Moi, j'avais 15 ans. C'est très jeune pour, enfin... pour se rendre compte de ce qui vous arrive. Oui. Comment vous pouvez expliquer le fait que... Bah, que vous soyez tombé dedans, les deux pieds dedans, on va dire, comme t'as dit. En fait, c'est vraiment curieux parce que... c'est pas du tout volontaire. J'avais une pote anorexique... à l'endroit où j'étais expatriée. Et j'ai tout fait pour la sortir de là. Et puis, elle allait mieux, et puis en réfléchissant, en la voyant avant-après, je me suis dit, mais elle est tellement mieux, elle est tellement mieux comme ça, elle est tellement belle, tellement rayonnante, jamais je tomberai là-dedans, enfin, cette maladie, elle nous réduit à rien, quoi. Et pourtant, je suis tombée dedans sans vraiment s'en rendre compte, en fait. Et puis, quand on met des mots sur notre maladie, je trouve que ça aide pas forcément non plus parce que ça nous met dans des cases et ces cases justement elles sont pas appropriées parce qu'il y a plus qui culpabilise ou pas forcément qui culpabilise mais qui justement parce que pour moi l'anorexie c'était soit arrêter de manger soit se faire vomir, or je n'étais pas dans les deux cases et du coup ça a renforcé mon déni parce que je disais non je suis pas comme ça, je fais pas ça donc je ne suis pas comme ça donc je peux continuer à faire ce que je fais, ce n'est pas mal, ça va pas me guider à quelque chose de mal. Donc je pense que mettre des mots ou alors faut relativiser, faut englober plus de choses dans l'anorexie, mais ça il faut éduquer la population là-dessus et ça entretient le cercle vicieux en fait. Après il y a même des gens qui sont contents d'être anorexiques donc ça entretient encore le cercle vicieux. Je me rappelle plus, c'était quoi la question? C'était comment tu expliques le fait que tu sois tombée comme ça dedans? Ouais. Moi quand j'étais petite, bon, comme tous les enfants, j'avais un petit bidon, voilà, un petit ventre d'enfant, mais voilà, c'est normal. Et c'est vrai que les enfants sont cruels et j'ai eu des petites moqueries des garçons ou des trucs genre rentre le ventre ou c'était plein de petites situations comme ça où en fait dès petite, j'ai intégré que voilà, moi j'étais grosse, voilà, on va se le dire. Je me le répétais tout le temps quand j'étais petite, mais après, paradoxalement, voilà, mon corps, je le voyais pas comme un... Forcément, quand on est enfant, on cherche pas à séduire, on cherche pas à plaire. Voilà, mon corps, c'était un outil pour me déplacer, pour jouer, pour m'amuser. Donc finalement, voilà, j'avais du ventre, mais j'étais ok, quoi, avec ça. C'est vraiment, l'entrée dans l'adolescence... où on commence à avoir des formes de femmes et on voit les autres femmes et on se dit, enfin sur internet et sur les magazines et tout, et on se dit ouais, moi je suis pas comme ça et apparemment il faut être comme ça, donc trouvons des solutions et voilà, c'est là-dedans, enfin c'est comme ça qu'on tombe là-dedans je pense, enfin moi comme ça, c'est comme ça que je l'ai vécu quoi. Je sais pas si ça te l'a fait aussi mais des remarques au collège parce que moi par exemple je faisais de l'escrime du coup tout le temps on a les jambes pliées du coup ça muscle les cuisses et le fessier et du coup en troisième j'avais énormément de réflexions sur le bas de mon corps et au début je le prenais sans trop y faire attention mais quand une fois par exemple, c'était au cross du collège, j'ai entendu des réflexions dans mon dos. Ah, regardez Manon, regardez son legging, nanana. Ça a fait un petit électrochoc, je pense, qui a renforcé tout ça. Je sais pas si t'as eu des réflexions. Ouais, après le collège, ouais, c'est un âge où tout le monde un peu se permet de donner un avis sur le corps de tout le monde à peu près. Ah, c'est terrible. Vraiment, je comprends pas arrêter de faire ça. Genre, je sais pas, les gens qui ont des enfants, éduquez mieux vos enfants s'il vous plaît. Genre vraiment, c'est cruel. Genre même moi, je m'en rappelle. Au-delà des réflexions, il y en a eu parce que forcément toutes les filles en avaient. Hein, clairement, aucune n'était épargnée. À partir du moment où voilà, tu avais une paire de fesses, c'est bon, tu y passais. genre les il y avait des garçons qui se permettaient carrément de mettre des mains aux fesses et genre c'était un jeu en fait, c'était marrant et voilà, c'était comme ça, OK, normal. Bon bah, plus, y a très une bien. Fille qui est morte il y a pas longtemps, ouais. Je sais pas si non. Une fille d'harcèlement scolaire. Ah oui, oui, oui. Ouais, mais le collège c'est une période limite c'est dangereux, genre faut pas aller au collège quoi. faites tous des cours par correspondance à la limite parce que clairement c'est une période qui peut vraiment être dévastatrice quoi. Faut vraiment être bien entouré, je pense. Pas que je sois pas bien entourée, mais c'est un âge vraiment délicat, ouais, je trouve. Ouais. Moi, j'ai eu de la chance d'avoir un collège qui s'est très bien passé avec des potes hyper cool. Enfin, ouais. J'étais bilingue allemande, donc on était le genre de classe qui se suivent depuis la maternelle, tu vois. Ah ouais. Donc on était un bon noyau et on était un peu on était les rejetés du collège entier. Ouais. On était 30 à être rejetés, donc ça va. On était pas rejetés mal. Ensemble. Mais c'était une bonne période, mais j'ai été spectatrice de trucs où, à l'époque, vraiment, tu te dis, bon, c'est drôle, quoi. Mais. Ouais. Tant que tu le vis pas, je pense que c'est dur à cet âge aussi d'avoir le recul nécessaire. Et je pense que t'es tellement aussi pas bien dans tes bottes parce que juste t'es adolescent. Et même ceux qui peuvent être les harceleurs, je pense que, même si je leur trouve aucune excuse, ils peuvent aussi avoir beaucoup d'insécurité. Ah bah, et bah je totalement. Pense, bah, mais... Forcément, c'est le moyen de défense. Il y en a qui sont méchants avec les autres pour se rassurer. Ouais, il y a ceux qui dominent et ceux qui sont dominés, quoi. C'est assez cruel comme... période et... on est en plein dans une période cruelle là, l'été, tout le monde s'expose tout ça, donc les filles bienveillantes s'il vous plaît, envers les autres parce qu'il faut s'accepter comme on est toutes très belles donc bienveillance sur les plages s'il vous plaît. Ouais. Moi je vais revenir au début on va dire de votre anorexie, comment vous avez eu le déclic ou comment vous avez vécu quand les gens ont commencé à vous faire des remarques sur le fait que peut-être bah, vous commenciez à avoir un poids trop faible par rapport à votre corps. Comment on commence à vivre un début d'anorexie, on va dire. Comment on passe du déni à... Enfin, voilà, je sais pas. Bah, en fait, moi, au début, mes parents, voilà, ils faisaient pas trop attention. Ils ont pas été alarmés par quoi que ce soit. À vrai dire, moi, je commençais à... C'était à la fin de mon année de troisième. Je commençais à sentir qu'il y avait un truc qui allait pas, quoi. Je me disais, enfin, je sais pas, il y a un truc qui cloche. Je me sens pas comme avant. Puis, en fait, au bout d'un moment, je me suis dit... Ah ouais, je suis allée lire la définition de l'anorexie. Et puis, je me suis dit, merde, je crois que il y a un truc, là. T'arrivais pas avant à mettre vraiment de enfin c'était un concept éloigné pour toi. Non parce que toi, ou... en fait pour moi dans ma tête j'étais en surpoids et j'étais dans une démarche de perte de poids. Je perdais du poids, je commençais à avoir un corps qui me plaisait et tout, j'ai perdu beaucoup de poids. Donc finalement je me disais pas, enfin pour moi les anorexiques c'était les autres parce qu'en fait aussi dans pour beaucoup de gens genre les anorexiques voilà elles sont très très maigres. Mais en fait le corps, enfin la corpulence, c'est juste la conséquence en fait de la maladie. On peut très bien être anorexique, donc être malade psychologiquement, mais avoir encore un poids sain, quoi. Donc c'est pour ça que la comment on pourrait dire la frontière ou ce qu'il y a entre le moment où on est encore on est en bonne santé et le moment où on est anorexique, finalement là, c'est assez flou en fait finalement. Puisque, en fait, voilà, comme je l'ai dit, c'est le corps, c'est la conséquence du mental. Mmh. Donc, finalement, on commence à être malade vraiment progressivement. Et donc, je me perds un petit peu dans ce que je raconte, mais... on est là pour ça, hein, de toute manière. La question, c'était... comment tu vis ton début d'anorexie ? Donc, ouais, donc c'était donc l'été de ma troisième. Vraiment, clairement, ça allait pas. Je me mettais à pleurer quand on m'apportait un verre de jus d'orange. Enfin, clairement, ça n'a pas de sens. mal-être à fond et même je faisais des rêves la nuit où genre on m'attachait et on me forçait à manger, ce qui est quand même assez étrange, hein, on peut le dire. Et donc au bout d'un moment j'ai craqué, on était au Portugal avec mes parents, je suis revenue de ma douche, j'ai pleuré et j'ai dit à ma mère que voilà, clairement j'avais peur de manger. Parce que c'est comme ça que je l'ai exprimé, mais j'avais pas peur de manger, j'avais peur du contenu de mon assiette et de ce qu'on me mettait dedans. Enfin, voilà, c'était cette peur-là. Et ma mère m'a dit que voilà, à la rentrée, j'allais commencer un suivi psychologique. Et c'est comme ça que ça s'est passé, enfin le début de la prise de conscience. Mais en fait, jusqu'à mon premier rendez-vous chez le psy, enfin chez la psy, j'arrivais pas à mettre le mot en fait. C'est bien que au premier rendez-vous chez la psy, quand j'ai entendu le mot anorexie, mais j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps parce que clairement, pour moi, ça pouvait pas m'arriver à moi. Enfin, c'était pas possible. Moi, j'allais bien. J'étais juste dans une phase un peu étrange. Puis de l'entendre dire et surtout de voir le regard de ma mère surtout, parce que clairement je savais très bien que ça lui faisait du mal, parce que entendre ça de son enfant, clairement c'est juste horrible quoi. Mais c'est vrai que ouais, c'est étrange et c'est bizarre de l'entendre dire, de se dire ouais ça m'arrive à moi, il va falloir que je sorte de là quoi, clairement. C'est fou parce que t'as quand même, enfin... J'ai l'impression que toi, t'as limite eu tout de suite, toute seule, le déclic, c'est assez courageux. Ou t'avais beaucoup de recul. Enfin, c'était... Bah ouais, je sais pas trop comment l'expliquer, en fait. À partir du moment où je me suis rendu compte de ça, bah, enfin, j'allais pas bien, je me sentais pas bien. Je me suis dit, clairement, ma mère le sait, j'ai la psy qui est là pour m'aider. Voilà, il va falloir... faire ce qu'il faut pour aller mieux, quoi. Parce que toi, maintenant, tu m'as plutôt parlé de déni, j'ai l'impression, oui, dans ton mail. Je t'admire beaucoup pour ça, parce que, voilà, moi, j'ai eu une longue période de déni, vraiment. Même le moment où j'ai fait une crise d'hypoglycémie en classe et je suis tombée par terre et un gars a dû me porter pour m'emmener à l'infirmerie, j'ai continué à dire que non, c'est juste que j'avais un petit coup de fatigue, mais que ça allait. Voilà, j'ai une longue période de déni et à l'hôpital j'ai eu encore une petite période de déni parce que il y avait d'autres filles qui étaient dans le déni et que on passait beaucoup de temps ensemble, donc on discutait beaucoup, et comme on était très en colère contre le fait qu'on nous enferme, qu'on nous prive de notre famille, qu'on nous prive de, parce qu'il y a une période où on n'a pas le droit de visite pendant 2 semaines. Donc on est très isolés et on est très en colère. Du coup, on essaie de passer nos nerfs, on va dire, mais on essaie de trouver un responsable. Et le responsable, c'est les médecins, c'est pas vrai, on va bien, s'ils nous laissent sortir, ça ira bien. Et donc voilà, j'ai eu une longue période de déni. Et... Donc toi, le déni, il a duré aussi sur ta période de... De soins. Non, en fait, le déni, ça fait par vague, en fait, parce que après l'hôpital, je me suis dit c'est bon, je suis guérie, j'ai pris du poids comme il voulait, c'est bon, ça va mieux, mais en fait pas du tout, parce que c'est après ça revient, et après voilà, il y a des périodes de haut et de bas. La maladie, en fait, j'ai l'impression qu'elle sera toujours ancrée quelque part en nous, et puis il suffit de pas grand chose pour la réanimer, qu'elle reprenne. C'est cruel comme maladie, ça. Je pense qu'elle sera toujours là. Après aussi, dans le processus de guérison, enfin dans mon cas, enfin, on arrive à se sentir si mal que, en fait, dès qu'il y a du mieux, on a l'impression que ça y est, on est guéri totalement. C'est pour ça, moi, je disais toujours à mon entourage, genre, c'est bon, je vais mieux, vous inquiétez pas, quoi. Enfin, franchement, je suis guérie. Alors que franchement, le chemin que j'ai réussi à faire, moi, je trouve ça... Vraiment, je suis super fière de moi, clairement, hein, je le dis, voilà. T'as raison. Je suis trop fière de moi d'avoir surmonté ça, parce que là, tu dis qu'il y a toujours une part en soi où tu dis que ça peut revenir facilement. Mmh. Je pense que quand t'as fait un chemin mental vraiment très long et où t'as beaucoup réfléchi et que du temps s'est passé et tout, je pense que c'est vraiment possible de s'en sortir. Moi, vraiment, je le dis avec ma plus grande honnêteté, il y a aucune part en moi qui est encore anorexique. Vraiment, je suis vraiment sortie de cette façon de penser, ce truc de... Bon, clairement, et des fois, il y a forcément, dans ma vie, je mange sain, je fais un petit peu de sport, j'ai un mode de vie sain, mais c'est plus du tout à l'extrême. Et ouais, tout est une question d'équilibre, quoi, vraiment. Non, mais j'espère vraiment que ce sera éradiqué un jour, parce que c'est une plaie. Comment ça se passe à partir du moment où on met le mot anorexie sur votre état? Et comment ça se passe, la période de soins? Bah, en fait, moi, comme on était expatriés, à chaque fois qu'on revenait l'été, on avait une visite globale chez le médecin. Et puis là, le médecin, il me dit ouais, « Ah, t'as perdu un peu de poids par rapport à l'année dernière, c'est pas bien. Tu reviens me voir dans 2 mois. » Et deux mois après, j'avais encore un peu perdu de poids. Du coup, il fait « Ah, bah non, c'est pas bien. » Et tu vois, longtemps comme ça. Et puis, à bout d'un moment, il fait « Oui, bah, tu vas un peu loin, là, on va te faire hospitaliser. » Je suis allée à l'hôpital, ils m'ont fait « Non. » Donc, ils te suivaient, ils savaient déjà que t'étais... Enfin, il y avait déjà le diagnostic, oui. Comme quoi t'étais dans la anorexie. Oui, mais moi, j'étais dans le déni, quoi. Okay. Et après, l'hôpital, il m'a dit « Non, t'es pas assez grave. » Donc, je suis repartie chez moi, j'ai fait « Ah bon, ah, je suis pas assez grave. Ah bah, ça va, alors. » Donc, je peux continuer. Et là, par contre, du coup, toujours dans le déni, et cette petite expédition à l'hôpital, bah, ça m'a renforcée dans le fait que je n'étais pas malade, que tout allait bien. Et c'était quoi la question déjà ? Comment ça se passe, la période de soins ? La période de soins, écoute, il y a un suivi chez le psy, mais en fait... Enfin, comment ça s'est passé pour toi ? Oui, bah, il y a un suivi chez le psy, il y a un suivi avec les médecins. Mais en fait, le problème avec les médecins et les psys, c'est qu'ils font ils te voient individuellement, mais ils n'échangent pas. Alors que c'est une maladie très psychologique, en fait. Bah, quasiment que psychologique. Voilà. Donc, je comprenais pas pourquoi les médecins ne discutaient pas avec les psys. Parce que bah, c'est les deux, en fait. Et puis, il y a eu plein d'études qui montraient l'impact du cerveau sur le corps. Et du coup, ça a renforcé ma colère. Et je trouvais qu'on n'était pas... En fait, c'est une maladie assez nouvelle en soi, parce que avant la révolution industrielle, l'inquiétude justement, c'était qu'est-ce qu'on aura à manger ? Enfin, est-ce qu'on aura assez à manger ? Pas est-ce qu'on aura trop mangé ? Du coup, c'est une science assez nouvelle, et ils sont pas parfaits là-dessus. Et du coup, bah, au bout d'un moment, quand t'as une personne qui ne veut plus s'alimenter, qui est en danger de mort, bah, au bout d'un moment, faut lui foutre une sonde dans le nez. On est obligé, faut l'alimenter comme ça. Et si elle se fait vomir, bah, on lui ferme ses toilettes. Et si elle essaye de s'échapper, bah, on l'attache. Enfin, c'est pas arrivé à moi, hein, mais... Ça fait écho quand même au mail que tu m'as envoyé, parce que t'as utilisé un mot que j'ai trouvé assez fort. Décrit l'hôpital comme une prison de verre, t'as dit. Oui. Et ça m'avait vraiment marqué quand j'ai lu ça. Totalement, une prison de verre, parce que tu vois la vie défiler par ta fenêtre, tu te sens comme une étrangère, t'as le droit de rien faire. Tu vas à la salle de jeûne, tu fais un jeu de société, tu rentres dans ta chambre, tu regardes la télé, enfin... J'avais l'impression d'être tellement inutile, tellement nulle. Et en plus, il ne faisait pas, par exemple, des ateliers de théâtre pour reprendre du confiance en soi. Parce que c'est aussi ça le problème de l'anorexie, c'est qu'on n'a pas confiance en soi. Ah, mais pour moi, c'est la base du truc. T'as pas confiance, du coup, tu te dévalorises. Et c'est le début du cercle vicieux. C'est clairement ça. Donc, ils essayent de te guérir, mais en même temps, ils ne te donnent pas les clés pour te guérir en profondeur. Ils font pas, par exemple, de yoga, pas de relaxation, pas de méditation, alors que tout ça, c'est quelque chose de profond et qui peut t'aider à te guérir en profondeur. Eux, ils faisaient que du superficiel. Ils t'alimentaient de force. Bah, je comprends que ce soit nécessaire, mais il faut qu'il y ait aussi un travail plus profond, plus spirituel, comme, voilà, comme le théâtre, par exemple. En ce moment, il y a quand même pas mal de polémiques sur le manque de moyens dans les milieux hospitaliers. Ouais, ouais. Est-ce que tu penses que c'est à cause de ça ou que c'est juste la manière de faire qui a un problème ? Non, c'est la manière de faire. Parce que aussi, je leur ai demandé, vous comptez pas nous faire voir un nutritionniste, un diététicien ? Parce qu'en fait, nous, on sait plus manger, donc faudrait peut-être nous réapprendre ce qui est bon, ce qui est pas bon. Et la réponse, c'est de toute façon, vous les écouterez pas. Donc ça sert à rien. Alors qu'on est dans un hôpital, il y a des nutritionnistes, des diététiciens. Donc je pense que c'est un peu la base pour des personnes qui ont perdu le goût de la nourriture. De... Après, moi, j'apporte une nuance là-dessus, c'est que c'est pas faut réapprendre à manger, c'est faut réapprendre à se faire confiance et à s'écouter. En fait, faut arrêter de focaliser sur la nourriture. Voilà, manger, c'est un besoin primaire, on doit le faire. Quand on a faim, il faut manger, voilà, clairement. C'est notre corps, il dépense de l'énergie tout le temps, il faut alimenter notre cerveau et tout. Et clairement, guérir, c'est aussi, faire une assiette sans prévoir depuis la veille au soir, noter tous ces trucs et tout. C'est, voilà, se faire confiance, quoi, clairement. Parce que tu préparais comment? Tu notais comment Tu comptais comment? Alors, au début, moi, j'avais une petite application. Donc je dirais pas le nom parce que, voilà, clairement, on va pas faire de la pub à ce genre d'appli. Ouais, clairement. Mais clairement, dès que tu manges un truc, tu rentres dans l'appli et ça te fait le total de calories. Ça te calcule les glucides, les lipides, les protéines. Tu sais, comme ça, combien tu manges. C'est merveilleux quand t'es anorexique parce que tu peux prévoir le jour d'après et rentrer déjà d'avance les repas. Donc, pour savoir, voilà, tu peux tout orchestrer de A à Z ce que tu manges, donc clairement c'est pas ça la vie, quoi. L'imprévu n'a clairement pas de place. Et voilà, moi je rentrais donc tous mes repas là-dedans, je calculais, voilà, ça faisait pas beaucoup, mais finalement c'était ce que je recherchais, donc parfait. Donc une des étapes, voilà, ça a été de me détacher de cette appli, donc ça clairement c'était le début du truc. Mais bon, après j'avais plus l'appli, mais je comptais quand même, voilà. Puis je pesais tout. Comment on fait en fait pour imposer ce genre de repas à table dans sa famille? Parce que moi, enfin bon, après moi, je suis dans une famille où on a vraiment la culture de la bouffe et manger, c'est vraiment le moment où tout le monde se retrouve à table. Et si moi je leur avais dit, bah ça je mange pas, ils vont me regarder genre, bah si, tu vas manger ça en fait. Tu vois? Et je sais pas si j'aurais réussi à rien qu'en fait cette culture de la nourriture, ça aurait fait écran peut-être au fait que je tombe dans cette maladie. Et vous, comment ça s'est passé pour que vous imposiez ça à votre famille, on va dire? Alors déjà, moi j'ai une grosse famille, donc le petit déjeuner, on ne prend pas du tout en même temps, parce que chacun commence à des heures différentes. Le midi, je mangeais à la cantine, ou alors l'année dernière, j'arrivais à rentrer à la maison parce que la cantine ça me stressait, truc de ouf. Et puis le soir, là il y a plusieurs plats sur la table. Voilà. Okay. Et parce que si j'ai vite annoncé les choses à ma famille, voilà, j'ai des phobies, je peux pas manger comme vous, c'est comme ça. Et puis si maman tu veux pas faire ce plat, bah c'est moi qui vais le faire. Okay. C'est moi qui, enfin, je vais passer du temps à le faire s'il le faut, mais j'ai des phobies et je peux pas manger comme vous. Après peut-être ça viendra, mais pour l'instant il y a toujours plusieurs plats sur la table parce que j'ai un demi-frère qui aime pas le fromage et du coup il faut faire un plat avec fromage, un plat sans fromage et un plat Manon. Okay. D'accord. Voilà. Mais je m'améliore de plus en plus, hein, enfin. J'arrive à mettre de la matière grasse et tout. Avant c'était un gros blocage, mais enfin voilà, c'est moi qui dois doser, c'est moi qui dois voir, mais ça va évoluer, mais pour l'instant c'est comme ça. Bah moi du coup c'est vrai que je me rappelle plus trop quand j'étais en troisième, je me rappelle plus trop. Bah le midi je mangeais à la cantine, donc voilà, clairement je faisais ce que je voulais le midi. Je prenais pas de dessert, donc j'avais tellement faim l'après-midi, c'était horrible. Mais après, on s'habitue à avoir faim, quoi. Clairement, ça devient une habitude d'avoir faim tout le temps. Et le soir, je me rappelle plus trop. Bah, c'est vrai que le soir, à la maison, avant, on mangeait pas beaucoup. Genre, on mangeait de la soupe. Chacun faisait un peu son truc, un morceau de pain. Voilà, chacun faisait un peu son truc. Donc, franchement, j'arrivais à manger ce que je voulais, quoi. En seconde aussi, je mangeais beaucoup à la cantine, et le soir, pareil, chacun faisait un peu son truc, donc finalement, c'était assez facile pour moi de me restreindre, voilà, c'est moi qui décidais. Et alors que maintenant, je fais beaucoup la cuisine, mais parce que, entre-temps, je suis devenue végane, mais ça n'a pas du tout de lien avec la maladie, clairement pas. Et maintenant, je fais des plats incroyables à la maison. Mes parents sont ravis. Ils se mettent les pieds sous la table et on mange des trucs trop cool. Donc, j'essaie de convaincre ma famille de manger plus végétarien, mais c'est difficile parce que j'ai deux demi-frères qui sont en pleine croissance. Du coup, il faut qu'ils mangent pour se faire des muscles. Ah oui, la vie est très importante, fondamentale. Mais je leur ai fait une terrine végane l'autre jour. Ils ont tout le monde a kiffé, 3 heures de préparation, 10 minutes je n'en ai plus, j'ai pété un câble. C'est pas très rentable. Non, pas du tout, mais c'était très bon. Donc, c'est déjà un bon, oui, si ça peut être rentable, si ça peut les convertir. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, franchement. Et à quel moment, il y a le corps, on va dire, médical, il y a votre famille qui se rend compte que ça va pas, mais à quel moment vous avez eu le déclic et vous vous êtes dit, faut que je me prenne en main, c'est ma santé qui est en jeu en fait. En fait, pendant mon année de seconde, du coup, j'ai commencé le suivi avec la psy, qui s'est arrêtée en fait au milieu de l'année. Avec du recul, j'étais pas du tout guérie, hein, clairement, faut le dire, parce que c'est un processus vraiment long, hein, vraiment très très long. Le moment où en fait, je me suis dit clairement, là, Louise, tu arrêtes tes conneries, clairement. C'est j'ai eu une période où vraiment mon corps m'a donné des coups de boost. Il m'a dit, mais ma vieille, mais bouge-toi les fesses. Je me suis mis à vraiment ressentir des faims, mais extrêmes. Des faims sans fin, si on peut faire un petit jeu de mots. C'est clairement mes petits repas habituels, vraiment ça me suffisait pas. Genre, et puis je me mettais vraiment à penser. Déjà, je pensais à la bouffe tout le temps, parce que clairement, quand notre corps, on lui donne pas ce qu'il a besoin, il nous envoie des gros signaux comme ça. Mais là, vraiment, mon corps me dit, ça fait trop longtemps que tu me prives, là, mange. Donc je sais qu'il y en a certaines qui font des crises de boulimie, d'hyperphagie, tout ça. Moi, j'ai pas eu ça, mais j'ai eu des sentiments de faim qui m'ont fait très peur, pour être honnête. Mais en fait, avec du recul, je me dis que c'est vraiment hyper positif d'avoir ressenti ces faims, parce que clairement, je me suis dit, là, il va falloir remanger en quantité normale. Et du coup j'ai réappris petit à petit, c'était vraiment long parce que dans cette période là vraiment j'étais vraiment très très mal parce que vraiment le corps il est là, il galère quoi, il se dit vraiment j'ai faim tout le temps et c'est vraiment penser à la nourriture tout le temps et puis ne jamais se sentir bien, jamais lâcher prise en fait parce que c'est toujours là en mode... Il faut que du coup je redonne à mon corps de la nourriture, mais je sais pas encore vraiment trop les quantités. Qu'est-ce que je dois faire? Je suis un peu perdue. Je veux le bien je veux le bien de mon corps, mais comment faire? Du coup, c'était un peu un moment d'errance, quoi, où vraiment j'essayais de faire les choses bien parce que mon corps en avait besoin, mais c'était assez compliqué. Mais du coup, ouais, c'est ce moment-là où j'ai réussi à me reconstruire, en fait. T'avais pas de sentiment de culpabilité quand tu te permettais de manger ou... Je dirais non. Après, les situations un peu inhabituelles, genre le resto, les repas de famille, bon, ça restait occasionnel, donc... je pense que j'arrivais à m'autoriser. Après, c'est vrai que je faisais beaucoup de sport à côté. Donc finalement, je me disais, je fais beaucoup de sport, donc j'ai le droit à un repas où je me fais plaisir. Mais c'est vrai que ce rapport au sport, ouais, le sport à fond, quoi. Vraiment, je prenais comme exemple les youtubeurs fitness et tout, je m'inspirais, genre je faisais 5 entraînements par semaine, musculation, tel jour c'est les jambes, l'autre jour d'après c'est les bras et tout. Donc clairement, ouais, j'étais dans une petite routine comme ça, donc je me disais, j'ai le droit de m'autoriser un repas plaisir et tout, puis du coup je me disais, j'ai le droit de manger plus puisque je fais du sport. Mais du coup c'est un problème aussi parce que en fait... on a clairement le droit et le devoir de manger, qu'on fasse du sport ou non, en fait. C'est pas genre, je fais du sport, j'ai le droit de manger. Non, c'est tout le temps, en fait. clairement. Donc, voilà. Et toi, du coup, maintenant, c'était comment ce déclic? Mon déclic, c'est... d'ailleurs, il n'y a pas si longtemps que ça. Parce que je me suis dit... À un moment, je me suis regardée... j'essaie vraiment d'éviter les miroirs. Parce que j'ai pas encore une super vision de mon corps. Je me trouve très laide en fait, surtout mes bras, je les trouve moches. Et à un moment, je me suis regardée dans le miroir et je me suis dit, mais je fais vraiment pitié en fait, genre Je vais rentrer en terminale, les secondes ils vont pas me respecter, ils vont me marcher dessus. Déjà je suis petite et en plus j'ai l'air d'une fille de 13 ans quoi, genre j'ai pas du tout de poitrine ni rien. Et c'est aussi, c'est pas forcément par rapport au regard des autres, mais je me dis de toute façon comme ça je m'aime pas, alors peut-être que si j'avais plus d'énergie, que si je mange un peu plus, je pourrais sculpter un peu mon corps comme j'ai envie. Et là je pourrais m'aimer quoi. Et l'autre jour je suis allée à un festival et j'ai vu des femmes, mais elles étaient magnifiques, elles avaient des formes, elles étaient pulpeuses, mais elles étaient magnifiques. Et je regarde ma mère, je lui dis mais elles sont magnifiques ces femmes, j'aimerais tellement leur ressembler. Et elle a presque pleuré quoi, parce que ça faisait long, enfin pendant 2 ans j'ai jamais émis le, enfin si j'ai simulé le désir de prendre du poids, mais là j'étais vraiment sincère. Et donc voilà, parce que en ce moment il y a une dynamique de body positive et je trouve que ça c'est la meilleure chose qui pouvait m'arriver. Ouais, parce que c'est trop beau de voir des filles s'assumer belles, rayonnantes, et elles font pas du 34 quoi, donc elles sont magnifiques. Et je pense que c'est une des meilleures choses qui pourrait m'arriver, et c'est un cheminement. Et il y a une youtubeuse qui s'appelle My Better Self qui est juste... Oh ouais, je l'adore. Je l'adore. Oui, elle est géniale. Si jamais un jour elle nous écoute, on serait très honorés de la rencontrer. Et moi aussi. Elle cultive ça. S'il te plaît, Louise. En plus, s'appelle Louise aussi. Oui. Oh. Elle cultive ce body positive avec une telle beauté que je pourrais jamais essayer de la remercier. Voilà. Donc je pense que c'est pas si long, il y a pas si longtemps que j'ai vraiment envie de me prendre en main, mais ça fait longtemps que je me dis un moment faudra que, enfin il y aura un moment où tu seras mieux et que tu auras envie de prendre du poids, et à ce moment-là tu sauras quoi faire, parce que pour l'instant tu fais tes petites choses, tu restes dans ta zone de confort, mais au moment où tu auras envie de prendre du poids, tu sauras que tu auras le droit de te faire plaisir. Tu sauras que tu auras le droit d'aller prendre un muffin alors que tu es allé au resto la veille. C'est pas grave, ça arrive, les imprévus comme ça, de la vie c'est comme ça. Tu dois avoir une copine, tu prends un muffin avec elle, tu vas pas te marginaliser, t'isoler tout le temps dans ta vie. Parce que la vie c'est comme ça, il y en a qu'une. Et t'as envie de faire plus de sport, t'as plein de projets en tête, faut te donner les moyens, faut te donner l'énergie. Après je répète ce que mes parents me répètent depuis tellement longtemps, mais... Enfin voilà, là je commence à l'intégrer, à le comprendre, voilà. Ouais, parce que c'est en fait, il faut lâcher prise quoi. C'est ça. C'est faut vivre sa vie quoi, faut arrêter d'avoir peur de, ouais, de genre pour des, vraiment se d'exister. Prendre la, ouais, et puis même se prendre la tête pour de la nourriture, c'est genre vraiment une des choses vitales quoi, c'est une perte de temps, en fait. L'énergie qu'on met dans la perte de poids, calculer ce qu'on mange et tout, c'est une énergie qu'on peut mettre ailleurs. Donc, guérir, au-delà de prendre confiance en soi, vraiment, c'est hyper important. Guérir, c'est aussi mettre son énergie dans autre chose. Et, en fait, redécouvrir le monde. Parce que, vraiment, quand on est anorexique, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est on est enfermé. Et moi, mais le nombre de choses et de gens que j'ai découvert, genre cette année... Enfin, je me suis intéressée à plein de choses et vraiment, c'est au lieu de je sais pas, d'avoir que des pensées qui tournent autour de la bouffe, autour du sport et tout, on peut s'intéresser aux gens qui nous entourent, on peut s'intéresser à plein de sujets, lire des trucs, faire plein de trucs et vraiment utiliser son énergie dans autre chose. Et c'est vraiment hyper libérateur de prendre confiance en soi, de réaliser qu'on peut faire des choses cool. Et voilà, de découvrir des choses et mettre son énergie vraiment dans autre chose que la nourriture, vraiment. Ça change la vie, vraiment. Vous définiriez comment votre corps aujourd'hui ? Clairement... Après, c'est assez mitigé parce qu'une fois, au début de l'année, j'ai dit à une fille assez... elle était fluette, quoi. Je lui ai dit que j'étais anorexique. Elle m'a toisée, elle m'a dit « on dirait pas ». Je l'ai pris très mal, parce que j'étais genre « Ah ok, tu me vois grosse, ok. » Et du coup, je l'ai pris mal, et du coup, ça a été une période assez mal. Mais... C'était pour toi, à une période, enfin, t'avais envie d'avoir le corps d'une personne anorexique. C'était quelque chose qui se rassurait de te dire, bah, c'était pas forcément une période où je voulais rester mince, enfin, maigre et tout. Mais voilà, j'avais peur de faire autrement. J'avais peur de. Ouais, moi aussi. C'est le moment où le mot anorexique est donné. Finalement, on se définit en tant qu'anorexique. Et voilà, donc on a peur de ce qu'on peut devenir après. C'est ça. Et finalement, on s'épanouit un peu dans le truc. Parce que voilà, du coup, tout le monde se met à porter un regard différent sur nous. Donc en mode anorexique, voilà. Et on se dit, bah voilà, on est dedans, donc on va continuer. Et ouais, c'est ça, on s'identifie vraiment en tant qu'anorexique. C'est assez dévastateur, quoi. De se voir que comme ça, mais ouais. Et du coup, bah, je reviens à ta question, le corps aujourd'hui, bah, on voit les séquelles, on va dire, parce que clairement j'ai des bras très moches, très très fins, bah, pas du tout de poitrine, je vois les filles dans la rue, elles sont tellement belles parce que bah, une poitrine ça définit un peu la féminité, quoi. Ça me complexe un peu d'être toute plate à ce niveau-là. Et sinon, bah, le bas, je sais pas. Parce que le bas, ça a toujours été mon gros complexe. Suite aux magnifiques réflexions des gars en troisième. Et du coup, je sais pas trop quoi en penser. Mais je sais que le haut, je l'aime pas. Et j'aimerais bien changer ça. Mais je sais que pour ça, il faut que j'arrive à me faire plaisir. Bah du coup moi mon corps franchement je l'aime, c'est assez fou que je puisse dire ça, mais vraiment mon corps je l'aime trop parce que déjà il est silencieux, genre non mais quand je dis ça c'est genre il est silencieux dans le sens j'ai pas mal nulle part, ah, genre oui. Clairement je me sens bien. Ah je sais à quoi t'as pensé. Non mais oh tout de suite. Non pas du tout. Bah non bon. Vraiment. Voilà, mon corps est plutôt cool, j'ai pas mal, enfin je me sens bien. Pareil quand j'étais malade, j'avais souvent mal au ventre et tout parce que le corps est plus habitué à manger, enfin en quantité et tout, donc c'est un peu galère. Mais ouais, mon corps maintenant vraiment je l'aime. C'est un super outil, genre avant le sport, donc j'en pratiquais vraiment trop. Puis, en fait, je faisais la musculation parce que je voyais que ça, en fait, sur les réseaux. Donc, je me disais, pour avoir mon corps de rêve, il faut que je fasse de la musculation. Mais j'en ai fait encore vraiment toute cette année parce qu'en fait, c'était une habitude. Donc, même si je guérissais, en fait, et que je faisais un chemin psychologique, bah, j'avais cette habitude et c'était finalement la dernière chose... Enfin, la seule chose qui me restait, en fait, de la maladie, en fait, le sport intensif. Parce que voilà, habitude, et puis pas envie de la rompre. Et en fait, c'est très récemment, en fait, vraiment, là, en fin d'année, genre au mois de juin, où clairement, je me suis dit, mais en fait, j'aime pas ça, en fait. Disons-le, je déteste. Vraiment, je me fais du mal, en fait, à faire ça. Donc pourquoi le faire, en fait? Et j'ai découvert le yoga. Et vraiment, grande passion dans la vie, vraiment je prends un plaisir incroyable à le faire, ça me fait du bien, j'adore ça, et puis c'est très physique en fait, on pense que le yoga c'est juste faire des pauses comme ça, faire des trucs, mais non en fait c'est hyper physique et j'adore ça. Et du coup voilà, mon corps, il me permet de faire des choses que j'aime, donc cool, franchement. Je rebondis là-dessus parce que... toute cette année, ça a été un peu l'épée de Damoclès pour atteindre un certain poids qui me permettait de faire de la danse. Et moi, j'adore la danse, c'est vraiment ma vie. Enfin, j'adore ça. Pour moi, j'ai besoin de sentir mon corps pour apprendre à l'aimer. Et du coup, ça a été un peu mon argument phare pour convaincre ma mère et mon médecin de me laisser faire de la danse. Et donc, pour l'instant, mon corps, il m'a jamais lâché là-dessus. Donc je peux dire que j'en suis reconnaissante. Parce que du coup, t'as pu faire de la danse ? Ouais, j'ai pu faire de la danse pendant une partie de l'année. De la danse afro-contemporaine. Trop bien ! C'est mortel. Après, je suis avec mes... Alors, ce qui m'a aidée aussi, c'est que je suis avec des adultes. Ah ouais. Donc ça m'aide à pas me comparer, parce que la comparaison, on en a pas trop parlé, mais ça tue La comparaison, ça te tue, ça te réduit à néant, parce que c'est encore un problème de confiance en soi. Mmh. Et du coup, bah, là, je suis avec des adultes, donc ça m'empêche de me comparer avec des gens qui ont mon âge et qui sont peut-être plus doués que moi, parce que pendant que j'étais en expat, j'ai eu 3 ans où j'ai pas pu pratiquer de danse parce qu'il n'y avait pas de cours. Du coup, bah, j'ai fait des scrims, mais du coup, bah, j'ai un peu perdu mon niveau. Et donc là, c'est une autre année où j'essaie de récupérer mon niveau, mais voilà, genre, j'ai un peu de retard. Et mais la danse, ça m'a aussi permis de faire des petits déclics, quoi. Ouais, et puis ça t'a peut-être permis aussi de te réapproprier ton corps. C'est ça. Ouais. Et puis pour revenir sur la comparaison, ça rejoint tout ce qu'on disait par rapport au collège, les critiques méchantes qu'on peut recevoir. Et au lycée, ça peut continuer. Même si les gens sont un peu plus matures, tu continues à te comparer en permanence. Ouais. Moi, ce qui m'a vachement aidée, parce que bon, moi, j'ai jamais eu vraiment de problème de poids, mais je me sentais quand même extrêmement mal dans mon corps, et j'étais justement dans une famille où on m'encourageait à manger, et après bah, je culpabilisais quand même, et j'ai jamais vraiment perdu de poids, j'ai jamais eu de grosses pertes de poids, mais j'étais pas bien pendant très longtemps avec mon corps, je l'aimais pas, et j'ai découvert les vidéos de Léa Bordier, Cher Corps. Oh, j'aime tellement. Non. Et j'en mais ai on déjà... t'aime. Et j'en ai déjà beaucoup parlé sur France de la Graine, mais vraiment quand j'ai découvert toutes ces femmes et tous ces corps et toutes ces meufs trop belles en soutif comme ça sur avec la petite mise en scène de Léa, la petite musique, la petite musique jazzy, juste c'était trop, ça encourageait trop à dire mais c'est trop beau une meuf. Ça m'a trop aidé. Et ça vient contrer diversité. Et toutes les photos qu'on voit sur Instagram, genre des meufs avec des corps, vraiment, je sais pas si ça existe vraiment, enfin genre merci Photoshop, tu vois, des fesses ultra musclées avec un ventre hyper plat comme Kim ça. Kardashian, quoi, pour ne pas la nommer. Botox un petit peu, hein. Botox, ouais, c'est, et puis il y a pas que Kim Kardashian, genre il y a plein de comptes vraiment où les corps ils sont mis en scène, quoi, clairement, et enfin genre stop, enfin vraiment faut arrêter ça, c'est hyper dangereux, enfin la comparaison, on voit son corps, on voit la photo, on se dit mais moi quand je suis comme ça c'est pas pareil. et c'est vraiment dangereux, quoi, c'est surtout là, enfin la jeunesse, on est beaucoup sur les réseaux, enfin après c'est un super outil, mais je pense qu'il y a des limites et il faut vraiment faire attention à l'usage qu'on en fait, parce que il y a vraiment du contenu, enfin je sais pas toi, enfin si tu suis des personnes sur Instagram qui sont encore dans la maladie, etc. Parce que moi c'est quelque chose que je faisais avant. Suivre des gens anorexiques. Ouais, j'en suivais qui étaient malades, mais j'en suivais aussi qui étaient pas malades, mais qui avaient un mode de vie très sportif, très sain. Et c'était mes exemples, en fait, parce que voilà, je voyais, du coup, je passais beaucoup de temps, comme tout le monde, sur les réseaux. Et je scrollais, et je voyais que ça. Et en fait, une des choses vraiment qui m'a aidée à vraiment me sentir mieux, à faire du chemin, c'est de me désabonner, clairement. Oui. Ça a été vraiment une étape, parce que finalement j'étais assez attachée à ces personnes-là, mais ça a été vraiment de virer toutes les personnes qui partageaient leur mode de vie sportif, leurs assiettes hyper saines, et puis même les gens qui étaient malades, qui disaient aujourd'hui ça va pas parce qu'il s'est passé ça, je me sens pas bien, nanana. C'était vraiment de faire un tri et de petit à petit trouver d'autres comptes avec des sujets hyper variés, féminisme, art, culture, vraiment plein de sujets différents pour vraiment voir d'autres choses et remplir sa tête petit à petit de d'autres choses. Ça aide à se construire, à se reconstruire du moins. Ouais, je sais plus ce qu'on disait avant. Vous avez quel rapport à la bouffe aujourd'hui ? Alors moi j'adore la bouffe, enfin vraiment c'est ma vie, j'adore cuisiner, je suis énormément de comptes sur Instagram de bouffe, mais en fait je suis devenue végétarienne et du coup quand on devient végétarien, faut aimer la cuisine, parce que autant une tranche de jambon c'est facile à glisser dans un sandwich, autant les lentilles ça demande un temps de cuisson, un temps d'assaisonnement, parce que voilà, il faut donner du goût et donc faut aimer cuisiner, c'est obligé. Et surtout que pour essayer de convaincre mes parents de réduire leur consommation de viande pour la planète, il faut leur montrer que les alternatives, elles sont bonnes, elles sont accessibles, c'est facile à faire. Donc je suis obligée de leur montrer, et leur montrer, ça passe par passer du temps dans les fourneaux pour leur montrer que oui, c'est possible et oui, c'est bon. Donc moi, j'adore la nourriture. J'essaie toujours de trouver des nouvelles recettes végétariennes qui pourraient intéresser mes parents, mes amis, tout ça. Donc forcément, j'adore la nourriture. Bah moi, du coup, mon rapport à la nourriture, je dirais qu'il est normal. Dans le sens où, voilà, je mange quand j'ai faim, j'adapte en fonction de ce que j'ai envie, et je me prends plus la tête, je suis pas là à réfléchir tout le temps, qu'est-ce que je vais manger à midi, faut que je cuisine ça, non. Enfin, je fais un peu au feeling. Pareil, j'adore cuisiner. Mais je dirais que maintenant, j'ai un rapport sain à la nourriture, c'est que j'aime manger, parce que clairement, quand on a faim, c'est cool de manger, surtout quand c'est bon. Et c'est plus malsain dans le sens où j'y pense pas tout le temps et je suis pas là tout le temps à je sais pas, y penser. Enfin, voilà, mon rapport à la nourriture, je dirais maintenant qu'il est, il est sain, il est normal. Et ouais, la cuisine, c'est vraiment cool. Surtout que j'ai déjà dit, je suis végane, donc pareil, j'ai dû montrer à mes parents que c'était possible de s'alimenter sans produits animaux. Que non, on n'allait pas mourir de faim. et que vraiment, c'était possible de se régaler. Du coup, ouais, je fais plein de petites recettes cool et tout. Maintenant, ça s'est bien mis en place à la maison. Mes parents ont appris un peu. Ils sont assez ouverts là-dessus. Donc franchement, je les remercie parce que ils n'ont pas été chiants pour ça. Ils sont assez ouverts. Ouais, c'était ça ma question aussi. Comment... on réapprend à manger déjà, et ensuite comment on réapprend à manger en disant aux gens je suis végé, je suis végane, sans qu'ils se disent ah non mais elle est encore là-dedans dans... Ah oui. Juste pour que ce soit une excuse pour moins manger. Ah quoi. Oui, mais ça c'est vraiment une grosse problématique, parce que c'est vrai que je connais beaucoup de personnes qui sont sorties de l'anorexie en étant végétarienne ou végane. Je sais pas si ça a vraiment un lien, mais il y a vraiment des gens qui c'est leur solution, quoi. Ouais. Après, je pense que... Alors, il y a plusieurs hypothèses. Soit c'est une manière de restreindre encore ce qu'on peut manger. Mais je pense aussi que quand on est anorexique, on l'a dit, on est centré que sur le contenu de l'assiette. Donc forcément, quand on est omnibulé par ce qu'on mange... On se pose des questions. On se pose des questions dessus. Donc finalement, est-ce que manger de la viande... c'est vraiment déjà bon pour la planète? Est-ce que c'est éthique? Est-ce qu'on a envie clairement de prendre la vie de quelqu'un qui... Enfin, quelqu'un, un animal du coup, qui respire, qui a des sentiments et tout. Du coup, on vient à s'interroger sur ça. Donc je pense qu'on peut expliquer ça... Assez clairement. Ouais. Et je me perds un petit peu dans ce que je raconte. Oui. Non, mais c'est logique. Parce que du coup... mes parents, pas que mes parents, mais aussi mes amis, ils ont dit oui, mais ça c'est juste pour enlever des calories encore, ça te passera. Et je leur explique, mais non, 100 grammes de lentilles, c'est. Je raisonne encore en calories, c'est un mauvais calcul, mais voilà, c'est une illustration, c'est plus calorique que 100 grammes de viande, et pareil pour le poisson, donc c'est un des exemples que je leur ai utilisé pour leur détourner, et ils ont fini par comprendre, mais j'ai encore des membres de ma famille qui pensent que c'est qu'une passe, et que dès que je vais réapprendre le goût de la bonne nourriture, ça me reviendra. Mes parents, c'était une inquiétude qu'ils avaient aussi. Mais ma mère, elle est restée inquiète assez longtemps. Je pense qu'elle m'en parlait pas beaucoup, mais des fois, des petites questions comme ça. Mais t'es sûre que vraiment, t'es guérie c'est pas pour essayer de se restreindre encore. Mais mes parents ont bien vu que vraiment je mangeais, même plus qu'eux. Clairement, parce que quand on est végane... voilà, les légumes, ça prend du volume. Enfin, faut pas avoir peur de manger, clairement. Et puis, voilà, quoi. Donc, ça a été une inquiétude. D'ailleurs, au début, il y a eu beaucoup de conflits, par exemple, avec mon frère et... Enfin, surtout ma sœur, en fait, qui était assez moqueuse. Mais c'était sa manière à elle de me montrer, je pense, qu'elle était inquiète. Donc, c'est vrai que le fait que je sois devenue végane, ça... Au début, c'était vraiment beaucoup de conflits. parce que puisque pour moi la nourriture c'était du coup un sujet sensible, ben quand le sujet y venait, je prenais les choses vraiment très à cœur et j'arrivais pas, enfin j'étais pas très bien, donc du coup la moindre remarque me faisait pleurer, enfin voilà, la nourriture c'était un sujet compliqué, du coup clairement le véganisme c'était aussi encore plus compliqué et j'arrivais pas à exprimer pourquoi je le faisais alors que pourtant c'était les bonnes raisons, vraiment c'était les bonnes raisons, mais je, voilà, j'arrivais pas à le formuler, j'avais, c'était compliqué quoi, mais voilà, petit à petit le fait que je sois guérie, du coup ça a amélioré mes relations avec les autres, bah du coup avec ma famille aussi. Donc le dialogue se fait vraiment de manière, enfin c'est ouais voilà c'est ça, ils savent que voilà c'est pour les bonnes raisons, je c'est pas du tout pour manger moins ou quoi que ce soit. Après je pense que mes parents ils sont très bienveillants là-dessus, enfin mon père il a un peu mitigé parce qu'il pense que voilà c'est une passe, mais il est très très tolérant, très ouvert. Quand je lui ai dit que je venais à Paris, là il m'a dit ah du coup je vais t'acheter des œufs parce que je mange encore des œufs, je vais t'acheter du yaourt, je vais t'acheter des lentilles, enfin voilà, il a plein de petites attentions qui respectent mon choix, mais je pense qu'il espère au fond de lui que voilà je vais redevenir la petite fille qui mangeait du barbecue parce que c'est très bon. Enfin, c'est très bon au goût. Mais est-ce que tu arrives genre à échanger avec ton père sur la maladie ou c'est quelque chose que vous abordez pas? En fait, mes parents, ils ont été assez dans le déni au début aussi, parce que voilà, c'est, je pense que c'est pareil de ton côté, ils ont été bah ça leur a fait mal parce que je pense que c'était toujours une remise en cause de son propre statut de parent. Après ça a rien à voir avec eux bien sûr, mes parents ils sont formidables, j'ai des amis leurs parents ils les engueulaient tout le temps, puis même j'avais une copine qui est arrivée chez sa mère et que sa mère lui a dit ah c'est cool quand t'arrives à la maison, comme ça je peux faire mon régime en me calquant sur toi. Ouh là là, oh mais arrêtez. Moi mes parents ils sont formidables, ils ont toujours voulu, ils m'ont toujours donné beaucoup de temps, et j'arrive vraiment à en parler avec eux et je leur dis j'essaie de prendre mon temps, mais je veux vraiment faire des efforts, mais je vais avoir besoin de vous. Et il me dit bah oui, on est là, on sera toujours là. Donc, parce que moi mon côté ma mère c'est à elle que je me suis confiée, et mon père je pense qu'il a pas osé interférer. Bah non, mais il a pas osé en fait me demander. Il a plutôt, enfin il avait peur pour moi, du coup lui quand il a peur ça se manifeste par de la colère. Donc j'entendais par exemple, je montais dans ma chambre et puis j'entendais mes parents un peu se disputer et puis mon père qui disait voilà, elle a décidé, elle a calculé son nombre de trucs et puis elle mangera pas plus, enfin vraiment voilà, et moi je me disais mais quoi, pourquoi il s'intéresse pas à moi, pourquoi il me demande pas, pourquoi il ouvre pas le dialogue, pourquoi il me demande pas ce que je ressens, qu'est-ce qui se passe en fait, et j'en ai beaucoup voulu longtemps. Parce que j'étais vraiment en colère, je me disais, ma mère me pose des questions, ma mère s'intéresse à moi, elle s'inquiète. Mon père, pourquoi il est en colère? Pourquoi il me demande pas? Pourquoi il discute pas, en fait? Bon, avec du recul, j'ai analysé un petit peu la situation, puis je me suis bien rendu compte que voilà, mon père, il était inquiet. Il était juste perdu, il savait pas par où commencer avec moi, il savait pas si venir me voir, ça allait me gêner, il savait pas si j'allais ne pas vouloir parler avec lui, enfin, je pense voilà qu'il était perdu. Et maintenant, du coup, je lui en veux plus pour ça parce que je comprends pourquoi il a agi de cette manière-là. Mais c'est vrai que ça a été plus simple avec ma mère puisqu'elle a été vraiment empathique, quoi. Elle a cherché à comprendre. Et c'est pour ça. Ma mère, ça a vraiment été un pilier pour moi dans cette période-là, parce que je savais que je pouvais compter sur elle, et surtout, je savais qu'elle ne me jugeait pas. Et là, t'as réussi à parler avec ton père? Bah, en fait, ouais, mieux ça allait. plus j'ai réussi à, du coup, à parler de ce que je ressentais, mais carrément à table, quoi, vraiment de faire tomber les tabous. Du coup, bah finalement, ouais, maintenant, bah forcément maintenant je suis guérie, donc le sujet n'a plus lieu d'être. Mais c'est vrai que ouais, vers la fin, j'ai la sensation d'avoir réussi à en parler vraiment librement à mes deux parents, quoi. Comment on réapprend à manger? Enfin, où est-ce qu'on peut réapprendre à manger? Parce que vous étiez dans une période de calcul intensif de votre bouffe, mais je pense que quand tu en sors, enfin, même à l'hôpital, on recalcule encore ce que tu bouffes, mais dans le sens inverse. Est-ce que tu manges assez? Et comment on réapprend à manger, en fait? Alors, tu veux que je t'explique un peu le principe de l'hôpital? Comme tu veux. Ok, alors en fait, le principe de l'hôpital, c'est que t'as des plateaux. Tu choisis tes repas par jour, mais il faut que t'aies un plat de féculent dans la journée. Et l'autre plat, c'est des légumes. Et après, tu mangeais ce que tu voulais. Tu pouvais rien manger, tu pouvais manger la moitié. Et il te faisait pas de remarques, mais il notait tout sur un petit papier. Il était derrière nous à tout noter. Et aussi, il y a une chronométrie, on avait 30 minutes pour manger. Et parfois, c'était très stressant, genre, il vous reste 2 minutes. alors que souvent, les anorexiques, elles aiment bien couper, manger lentement, mastiquer... Et du coup, bah, il vous reste 2 minutes, bah, t'as pas mangé la moitié de ton pain que tu t'étais fixé dans ta tête juste avant, donc tu stresses un peu. Et au final, tu peux décider de pas le manger parce que t'as pas le temps. Et les petits déj, bah, pareil, ils notaient. Tu choisissais ce que tu voulais, ils notaient. Et le goûter, pareil, et voilà. Et puis, donc, si t'avais pas. Et chaque 2 jours, t'étais pesé. Et si t'avais pas respecté ton contrat, bah, ils te mettaient une sonde. Et la sonde, ils augmentaient l'apport calorique en fonction du fait que tu n'aies pas respecté ton contrat. Donc moi, je suis montée jusqu'à 1000 calories tous les soirs. C'était du chantage, presque. C'est pas... Ah oui, mais complètement. Et si t'avais pas atteint ton demi-contrat, bah, t'avais pas le droit de visite. Si t'avais pas atteint l'autre palier du contrat, bah, t'avais pas le droit à la visite de ta sœur. T'avais pas le droit aux lettres. Oui, ils ont tout compris. Vraiment, ils ont tout compris. La bonne solution, tout la compris. Meilleure, vraiment. Tout compris. Donc pendant 2 semaines, t'as pas le droit de visite, t'as pas le droit de lettres. Séance d'isolation. C'est vrai que s'isoler, c'est super. Après, t'as le droit à une visite par semaine. Si t'as respecté ton quart de contrat, t'as le droit à la visite de tes parents. Voilà, c'est tout. Et après, l'autre palier, t'as le droit à la visite de... Une visite de tes parents, une visite de tes frères et sœurs. Mais c'est tout. T'as pas le droit de voir personne d'autre. T'as pas le droit de sortir. T'as le droit de recevoir des lettres si t'as réussi à faire ton autre palier. Enfin voilà. Que du coup, comment t'as réappris en sortant après tout ce qu'on t'a imposé par rapport... Parce que c'est compliqué après de re-aimer la bouffe. Enfin... Oui. Moi, je m'imagine dans cette situation, je me dis, c'est terrible, en après, fait. Après, il y a un truc qui est assez bien, parce que j'ai appris à l'hôpital, bon, ça, c'est... Il y a eu beaucoup de choses mal faites à l'hôpital, mais il y a eu des choses bien aussi, parce que pendant les tout premiers temps de mon hospitalisation, j'ai 10 jours d'observation. Ça veut dire que si pendant 10 jours, t'as pas perdu de poids, tu sors. Si t'as perdu du poids, tu restes. Et comme on n'avait pas le droit de bouger, de faire du sport, tout ça, et bah, je me suis dit, bah, je ne vais pas beaucoup manger comme ça. Parce que de toute façon, je ne marche pas, je ne fais pas de sport. Donc, je pas manger, ça va juste me faire rester à mon poids de base. Et en fait, comme tu n'avais pas le droit de manger 2 fois des légumes dans la journée, bah, à un moment, j'étais obligée de prendre des féculents. Et comme je crevais de faim, bah, j'en ai pris et j'ai vu que ça ne m'avait pas fait grossir du tout. Au contraire. Et au final, j'ai été gardée 2 mois. Et donc j'ai vu que les féculents ne faisaient pas grossir. Spoiler alert. Voilà, désolée de vous décevoir, mais les féculents ne font pas grossir. Et... Enfin, aucun aliment fait grossir. Non, pas du tout. Pas du tout. Mais en fait, c'était une croyance que tu avais aussi. Ouais, bah complètement. Moi, j'avais carrément cuté les glucides, oui. J'en mangeais quasiment pas, voilà. Quasiment plus. Donc, ouais, j'avais faim hein, tout le temps, clairement. C'était horrible. Du coup, dès à ma sortie de l'hôpital, j'ai pu réintroduire les féculents parce que je savais que ça ne faisait pas grossir et que ça ne faisait pas de problème pour ma santé. Et donc voilà, ça c'était un premier step. Et après, de step en step, par exemple, pour faire plaisir à mes grands-parents, j'ai pris un bout de chocolat. J'ai vu que ça m'avait rien fait de ouf. Du coup, bah, le lendemain, deux bouts de chocolat, c'est ça. Step by step, quoi. Genre, j'y suis allée progressivement. Et puis maintenant, j'arrive à manger du chocolat, des matières grasses. Tout à l'heure, je me suis pris un muffin, quoi. Genre, waouh, des glaces, parce que c'est l'été et que c'est trop bon, les glaces. Donc voilà, c'est petit à petit, comme je vois que ça ne fait rien, que ça ne peut m'apporter que du bien. Parce que ça me donne de l'énergie, ça me donne plein d'énergie, plein d'amour à partager, du coup. du coup, je me dis, en fait, je peux réintégrer quotidiennement, quoi. Ça peut m'apporter que du bon. Donc, c'est long, c'est une maladie qui reste longtemps, mais je pense que je bâtis sur des piliers solides, du coup. Parce que je prends mon temps, on me force pas comme à l'hôpital, en me gavant, et voilà, parce que, de toute façon... Quand on me gavait avec la sonde, donc c'est là, pour les personnes qui ne savent pas, j'en parle depuis tout à l'heure, mais ça se trouve, personne ne sait. C'est un tuyau qu'on nous met dans le nez et qui passe par la gorge et qui tombe dans l'estomac. Il fait à peu près 2 mètres de long. Et donc chaque nuit, il mettait 1000 calories en liquide. Donc c'était de l'huile de poisson. 1000 calories de l'huile de poisson qui me foutait dans l'estomac. C'était super. Donc quand il me gavait avec la sonde, j'avais qu'une envie, c'était de sortir et de perdre, donc de perdre du poids. Donc c'était pas du tout intéressant comme démarche. Mais par contre, quand j'ai pris mon temps, quand j'ai fait mes choix moi-même, quand j'ai pris mes décisions moi-même et que j'ai testé, bien sûr poussé par mes proches, ils me disaient vas-y, prends-en, ça va pas te faire de mal. J'en prenais et puis je voyais que non, ça me faisait pas de mal, ça me faisait que du bien. Donc voilà. C'est comme ça que j'ai appris à manger. Ouais, moi aussi, en fait, c'était très progressif. Et ouais, c'est petit à petit, étape par étape. Apprendre à se faire confiance, à faire confiance à son corps aussi, parce que non, on n'a pas trop faim, non, on n'est pas trop gourmande. Voilà, ouais, c'est ça, faut... Oups. Faut juste, se faire confiance et... se laisser le temps, en fait, parce que c'est vraiment long, en fait, pour retrouver un rapport sain à la nourriture, en fait. Ouais, je répète que les mêmes trucs depuis tout à l'heure, mais c'est vraiment se faire confiance. Il faut que ça redevienne un truc de naturel, donc il faut vraiment se laisser le temps. À un moment, il faut juste dire j'ai envie de ça, et on se fait plaisir, parce que ça peut que nous faire du bien. Ça va nous réchauffer parce que, voilà, comme tu disais tout à l'heure, un des gros problèmes, c'est le froid. Ouais, tout le temps. Le froid, les hivers, c'est une torture. Donc, ça va nous réchauffer, ça va nous apporter du bon matériel pour protéger notre cœur. Parce que la plupart des morts, c'est un arrêt cardiaque. J'avais une copine, son cœur battait à 29 la nuit. Enfin, c'est juste proche de la mort, quoi. Donc voilà, c'est que du bon et faut se laisser le temps, mais il faut se forcer un petit peu quand même parce que sinon il peut avoir des conséquences irréversibles. Et puis une des conséquences dont on n'a pas encore parlé, c'est la perte des règles. Ouais. Et personnellement, c'est quelque chose, mes règles, je les ai toujours pas retrouvées parce que en fait, mine de rien, ça fait pas si longtemps. Et c'est vrai que apparemment c'est assez compliqué de les retrouver, donc en ce moment je suis en train de je suis allée voir un médecin, tout ça, pour qu'on fasse un suivi de la température pour voir s'il y a ovulation ou pas, mais c'est la seule chose qui me reste, en fait, de séquelles, ouais. Tu veux dire? Ouais, toi, moi aussi, moi je les ai pas. Je prends un médicament hormonal pour les réavoir. Mais en fait, je sais. Les règles, c'est très lié au cerveau. Et je sais pas si dans mon cerveau, je suis assez prête à les réavoir. parce que c'est vraiment, en fait c'est comme les déni de grossesse, quand t'as pas envie d'être enceinte tu le vois pas et du coup bah ton ventre il reste plat, et là ça, je pense que c'est un peu pareil, si t'es pas prête à avoir tes règles bah c'est comme en meilleur exemple pour le fait que ce soit lié au cerveau, c'est la technique du flux instinctif. Il y a des meufs qui arrivent à avoir leurs règles juste quand elles vont aux toilettes, ça sort juste là. Et elles savent retenir leurs règles, en fait elles utilisent zéro protection hygiénique, et au moment où elles vont aux toilettes bah ça sort. Quand c'est fini, elles repartent c'est vivre génial. Leur meilleure vie. Mais trop bien. Et c'est vraiment le meilleur exemple pour te dire que vraiment, si tu bon, faut de l'entraînement. Moi, je t'explique pas sur combien de temps faut s'entraîner, quoi. Faut avoir les moyens de pouvoir s'entraîner à la maison, mais ouais, c'est vraiment. Ah bah, si quelqu'un a cette technique, moi je la veux bien, parce que j'ai acheté des serviettes hygiéniques en tissu au cas où, parce que je suis écolo et je veux pas prendre des trucs en plastique. Et mais par contre, ça m'arrangerait beaucoup de les avoir en sortant des toilettes, quoi. Mais est-ce que du coup on perd ses règles parce que on n'a plus assez de force pour enfanter? Non. Bah je sais pas. En fait, non, attends, si je pense que j'ai la réponse pour ça. En fait, comme ton corps il est mis en difficulté, ouais, il est en mode survie. Voilà, clairement. Ça. Il se met en mode survie. Du coup, il retient tout ce qui peut lui servir. Ouais, c'est ça. Okay. C'est ça. C'est ça. Les règles, c'est pas important en fait. Donc il se dit, j'ai pas beaucoup d'énergie. Je vais essayer de te laisser en vie. Donc clairement, les règles, ce sera pour plus tard. Du coup, mais ça a pas de rapport avec la stérilité? Et bah, je sais pas du tout. Si, parce que quand t'as, en fait, ton dans le cœur d'une femme, ton ovulation, elle fait ça. Et du coup, si tu t'arrêtes avant, ça descend avant. Et du coup, tu peux être ménopausée très très jeune. Et mais c'est, il y a pas que une conséquence sur la fertilité, et parce que quand j'étais en période déni et que mon médecin m'a dit oui mais t'as plus tes règles donc c'est grave parce que voilà tu risques de pas avoir d'enfant, je lui ai répondu que j'en voulais pas, et il m'a dit oui mais c'est pas que une question de fertilité, c'est aussi une question d'os, parce que les règles ça minéralise les os, et si on n'a pas ses règles, on minéralise pas ses os, et du coup à 50 ans on peut se retrouver sur une chaise roulante, et ça j'ai pas du tout envie, donc c'est pour ça que je prends le médicament et que je vais faire en sorte de guérir, parce que sur une période on voit pas les conséquences, mais il y en a et elles sont irréversibles si on continue très longtemps, donc voilà, y a pas que sur la psychologie que ça a un impact. Toutes les deux dans votre mail, c'est ce que j'ai trouvé assez rigolo, c'est que vous m'avez parlé maintenant dans votre période de rémission de nouveaux combats dans votre vie, le féminisme, l'écologie et tout ça, et est-ce que ça, on peut dire que ça vous a un peu sauvé de trouver des buts ou du sens dans la vie, quoi, ce genre de combat? Bah carrément, je pense que parce que ça nous donne d'autres objectifs. Avant les objectifs c'était pas dépasser tant de calories par jour, et maintenant c'est l'objectif, c'est sauver la planète, quoi. Ouais, puis moi dans mon cas finalement le fait de développer ma conscience féministe, ça a été en fait aussi de trouver les responsables de pourquoi j'ai agi de cette manière, pourquoi je me suis infligé tout ça. Et donc, grâce au féminisme, j'ai trouvé des responsables, c'est un peu vague, mais c'est la société, en fait. C'est tous ces diktats, tout ce qui est construit, en fait. Tout ce que les femmes, elles doivent subir tout le temps, en fait. Et donc, au-delà d'avoir trouvé un nouveau combat, finalement, c'est d'avoir trouvé pourquoi. Et du coup, ça m'a donné une énergie de dingue, en fait, et une colère, mais incroyable. Et ouais, ça m'a boostée, et je me suis dit... Ça, alors là, si vous n'êtes pas prêts... Si je vous croise... Ah ouais, clairement c'est ça. Donc ouais, mais ouais, c'est ça, c'est de se donner de nouveaux objectifs en fait. Ouais. Et je pense un échappatoire aussi de réinvestir toute cette, cette colère dans quelque chose de tangible, de réel, de concret. Parce que l'objectif de Narcissique, c'est de perdre du poids, mais c'est pas un objectif concret parce que de toute façon on s'aimera jamais quand on est dans cette ce sera jamais assez, voilà, en fait. Ce sera jamais assez, alors que si on se bat dans une cause, on voit les résultats, on voit qu'il y a des avancées, là on peut être que satisfaite, on peut que avoir En plus, ça peut juste que faire prendre confiance en soi, donc c'est que du bénéf, quoi. Vous diriez quoi à la Manon et à la Louise de... qui est en train de tomber dans l'anorexie? Moi, je dirais... Mais qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que tu fous, putain? T'es en train de te saccager, t'es en train de te détruire, t'es en train de te désociabiliser, de te rendre antipathique. Qu'est-ce que tu fous, quoi? Genre, juste... Enfin, c'est pas toi, donc réveille-toi. Voilà. Bah, moi, je. Enfin, même. Enfin, quoi qu'on dise à quelqu'un qui est en train de tomber dans l'anorexie, finalement, ça va rien changer. Ouais, donc, moi, je m'adresserais plutôt à la Louise de. Genre, juste avant, quand j'étais en quatrième, je lui dirais que, bah, déjà, elle est magnifique, qu'il n'y a pas de soucis. C'est pas un petit bourrelet qui fait que quelqu'un n'est pas beau, clairement. Et je lui dirais vraiment de prendre confiance en elle parce que vraiment elle a le droit et elle le mérite. Parce que franchement, il y a plein de gens qui ont des problèmes de confiance en eux, qui se trouvent pas assez bien et tout, mais franchement, faut s'aimer quoi. Et c'est une des choses les plus importantes dans la vie, c'est faut vraiment aime-toi et après les choses vont suivre. Vraiment, c'est ça ce que je dirais. Voilà. Je suis très émue. Oh là là là là. Je crois qu'on arrive sur une fin de tournage, si on peut appeler ça comme ça. Une argot en pleurs. Super. Je vais vous poser les deux dernières questions signature de ce podcast. Est-ce que vous avez hâte de devenir un adulte? Est-ce que vous vous considérez comme un adulte? Moi, je me considère pas trop comme un adulte. Déjà physiquement, parce que clairement j'ai le corps d'un enfant et j'en ai marre, je veux régler ça, et psychologiquement aussi parce que voilà, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre sur moi-même, et je pense qu'on devient un adulte quand on a compris ces choses-là. Notamment sur le sujet de la sexualité, on n'a pas du tout abordé ce sujet, mais il y a encore beaucoup de choses que j'aimerais explorer sur ce sujet-là, parce que c'est un sujet que je connais pas du tout. Et je pense que l'âge adulte, ça passe par ces expériences-là. Et donc voilà, je me considère pas comme un adulte, mais d'un côté, j'ai hâte d'être un adulte, parce que j'ai l'impression que les adolescents n'ont pas de poids dans cette société, surtout sur le point de vue écologique. Bon, après, c'est vrai que les adultes n'ont pas forcément de poids non plus, comme Nicolas Hulot par exemple, que j'admire beaucoup, qui n'a pas réussi à redresser les choses, mais je me dis, voilà, quand je serai adulte, quand j'aurai mon métier, je pourrais peut-être orienter les choses, parce que là pour l'instant, les ados n'ont pas du tout de voix, on les considère comme des pions pour le futur peut-être, mais pour l'instant ils doivent avoir leur bac, après on leur donnera la parole quoi. Bah moi personnellement je pense que je me sens déjà adulte, parce que voilà, j'ai réfléchi sur plein de sujets tout ça, et je me sens bien dans ma vie, je me sens bien avec mes parents, avec les gens. Là par exemple je suis en stage à Paris et je vis toute seule, je me débrouille toute seule et je me sens bien, donc je pense que j'ai réussi à acquérir de la maturité et ça fait que du coup je suis épanouie dans ma vie, et je pense que c'est aussi ça, devenir adulte, c'est un peu prendre le pouvoir de sa vie. Petite référence à Get Yourself, j'espère que vous l'avez, et c'est prendre le pouvoir de sa vie et... tout le monde a la réflexion. Ouais, prendre le pouvoir de sa vie, puis voilà, se sentir épanoui et un peu savoir où on va. Et moi, je me sens un peu dans ce mood-là, donc ouais. Je pense que si je suis pas déjà adulte, j'en suis pas loin. Voilà. Qu'est-ce que vous auriez à dire aux auditeurs de Prends-en de la graine? Et aux titrices, j'oublie tout. Oh là là. Attention. Si vous connaissez des gens qui sont... dans une spirale infernale, c'est compliqué de s'adresser à eux parce qu'ils sont dans une période de déni où Il n'y a que eux qui peuvent vraiment s'en sortir. Donc il faut vraiment les entourer et leur montrer que la beauté, elle n'est pas que dans le physique. Et vraiment, aimez-vous parce que c'est vous qui allez faire le monde de demain et on a besoin de gens motivés et entiers. Ouais. Franchement, donnez de l'amour autour de vous parce que c'est le plus important. Vraiment, il faut être bienveillant avec les gens qui nous entourent et même les gens qu'on ne connaît pas en fait. Donc, donnez de l'amour autant aux autres qu'à soi-même. Et pour moi, voilà, c'est la clé du bonheur. Merci énormément, Lily. Merci à toi. On va continuer à pleurer toutes les trois toutes seules. Yes. Merci à toi si t'es encore là, j'espère que ça t'a plu. Si t'as kiffé ce petit moment passé ensemble, je t'invite à me le dire sur Apple Podcasts. Tu peux me laisser un commentaire et des petites étoiles, parce que c'est la seule appli qui permet de classer les podcasts et ça m'aiderait vraiment beaucoup. Sinon, tu peux envoyer ton épisode préféré à un ado de ton entourage, le bouche à oreille, ça marche plutôt bien aussi. Prends-en de la graine est aussi sur les réseaux, tu peux venir discuter avec moi sur Insta ou Facebook, et si t'es un ado et que t'as envie de participer, bah n'hésite pas à m'envoyer un petit message. Allez, on se retrouve dans 2 semaines avec un nouvel épisode et en attendant, prenez bien soin les uns des autres.